Attention, il y a la cavalerie qui arrive. Ces gens font 24 km. Bravo. Bravo. Bravo. Allez, bravo. Bon là, on va y aller, il y a encore. On va se mouiller, je pense. Ça va être un peu trop fort. Non, elle va pas aller dans l'eau. Jusqu'au bord du bord, mais après, je prendrai le matériel. Alors, si tu veux te grouper, je vais rendre le matériel après. Vous êtes magnifiques. Des vrais petits pingouins. J'ai de la chance à côté de toi. Alors, ça dépendra de votre confort. Soit vous les remontez, soit il y a un moment où vous sentez que ça ne va pas parce que vous sentez un petit peu oppressé, vous l'ouvrez, hein, ça s'adapte. Vous verrez en fonction dans l'eau. De toute façon, de l'eau, on va en avoir. Sur le visage, dans les yeux, c'est pas gênant. L'essentiel, c'est de toujours rester bien vigilant, de regarder en face de soi, de regarder les uns les autres et de regarder les vagues. Après, au fur et à mesure de l'évolution dans l'eau, on va vous expliquer comment vous comporter pour que ce soit une belle expérience et que vous gardiez vos magnifiques sourires. Voilà, ça c'est obligatoire. Celui qui sourit pas, il sort de l'eau. Voilà, voilà. Donc, non, c'est parce que c'est une capuche à réserve. Si jamais on veut garder de l'eau salée, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, c'est parfait. Voilà. Bon, ben, on va bientôt y aller. On va attendre Marcel qui est derrière moi, donc on va pas l'attendre longtemps. Et puis on va aller dans l'eau. T'as encore le temps. Si, viens. Allez, on est parti. On est parti. Allez. Quand on rentre dans l'eau, on prend pas la vague de face. On se met un quart de tour. Ça, la vague, elle passe à travers votre corps. On marche en crabe alors? Non. Oh, juste quand il y a la vague, après on remarche normalement. Entre deux vagues. Allez, on est parti.